J'écris des chansons, je ne les chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Romance d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire mais c'était court, faut pas l'écrire. Ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir. Il y en a plein des filles désirent. Faut pas le dire mais c'était court, faut pas l'écrire. Ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir. Il y en a plein des filles désirent. Ce que tu touches, tu le détruis. Mon corps se couche sur ton ennui. J'ai fait l'impasse sur les mots doux, comme une terrasse en plein mois d'août. Fais pas semblant car je le sais, tu ne m'aimes que parce que je te hais. Mais c'est pas grave, tant pis, je prendrai un taxi. Possibilité de t'aimer comme gravir une montagne, je l'ai déjà envisagé, tu peux sortir le champagne. Je veux commencer quelque chose de nouveau, laisse-moi espérer un avenir plus beau. J'ai loué une voiture, je suis partie à la mer, toute seule je te jure, voyage en solitaire. J'écris des chansons, je ne les chante pas. Et ton nom, je ne le dis pas. C'est des histoires que tu t'inventes. Romance d'un soir si ça t'enchante. Faut pas le dire mais c'était court, faut pas l'écrire. Ça pue l'amour, ça sert à rien, pourquoi courir. Il y en a plein des filles désirent. Faut pas le dire mais c'était court, faut pas l'écrire, ça pue l'amour.